Kituro seront un peu plus modérés. Hélène Simon, vice-capitaine du Kituro Vali. Ce sera le maintien, mais on croise les doigts et on va tout donner pour. Mais ce sera pas facile parce que les équipes de D1, il y a vraiment une très grande différence entre la D1 et la D2. Et donc, ça va être très difficile de jouer contre des équipes de D1. Mais le challenge nous attire et on avait vraiment envie d'essayer. Ce week-end, l'Escarbécoise, championne de D2, accueille Boisfort, championne en titre de première division, pour un derby bruxellois qui s'annonce prometteur. On est les petites championnes de D2 et on commence avec les championnes de Belgique. C'est une bonne rentrée en matière. On verra où sont nos faiblesses. Il y en aura beaucoup, mais au moins, c'est où on doit travailler. Qu'importe le résultat, le Kituro Ovali peut se reposer sur sa bonne ambiance et ses troisième mi-temps animés, car comme le dit son entraîneur Luis Garcia, même quand on perd la troisième mi-temps, il faut la gagner, de toute façon. Merci à l'Event Tétard, à la réalisation de ce grand journal des sports. Je vous souhaite un excellent dimanche sur Vivacité, évidemment. Vivacité présente, en partenariat avec les AP Assurances, l'échappée belge. Sur les petites routes de Provence et à travers les plus beaux coins du Luberon, d'Apt à Fort-Calquier, en passant par Manosque, Cavaillon, Roussillon et une arrivée le 27 septembre au Théâtre des Dons en Avignon. L'échappée belge, avec la complicité des voyages SNCF.com, à suivre tous les jours de la semaine à 14h et le samedi à 16h. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Bon dimanche, bienvenue sur Vivacité, il est 9h. Une explosion a secoué Manhattan cette nuit, bilan 29 blessés dont un grave. Il s'agit d'un acte intentionnel selon le maire de New York, mais pas question de parler de terrorisme. Comment prévenir la population le plus rapidement possible en cas d'attentat? Le centre de crise belge travaille sur un nouveau système, son nom Bi-Alerte. C'est la journée sans voiture à Bruxelles aujourd'hui, dans une demi-heure interdiction de circuler dans la capitale et ce jusque 19h. En football, le Moucron a fait le boulot, les Hurlus se sont imposés contre Westerlo, les derniers du classement. A votre avis, c'est le nom de la nouvelle émission politique sur la Une Télé, à voir aujourd'hui à 11h30. Votre journal en compagnie de Simon Gérard. Bonjour à tous. 29 blessés donc à New York aux États-Unis dans le quartier de Chelsea. Un quartier très fréquenté le samedi soir avec des bars et des restaurants. L'explosion s'est produite vers 20h30 heure locale, Lionel Denebourg. Oui, une explosion dans une benne à ordures semble-t-il. Le souffle puissant a fait voler en éclats les vitres des appartements et des voitures aux alentours. Et puis surtout blessé 29 personnes dont une grièvement. Écoutez le témoignage de cette femme. Je n'ai rien ressenti. Je n'ai rien vu, mais j'ai entendu un bruit énorme. J'ai entendu une énorme explosion. Deux grosses détonations. Oui, deux grosses détonations. Et il y a quelques heures, le maire de New York disait n'avoir aucune preuve de lien terroriste, qu'il n'y avait pas de menace spécifique et crédible contre New York. Par contre, le maire Bill de Blasio était plus clair sur la nature de l'explosion. Pas un accident, mais bien une origine intentionnelle. Voilà qui pose évidemment question, d'autant qu'un autre engin explosif aurait été retrouvé. Oui, à quatre pâtés de maison à peine de la première explosion, les médias américains évoquent la présence d'une cocotte minute. Selon CNN, elle était reliée par des fils à un téléphone portable. Pas d'autres précisions pour l'instant. Un climat extrêmement donc tendu, puisque plus tôt dans la journée, dans l'état du New Jersey, une bombe artisanale avait été trouvée dans une poubelle près du parcours d'une course à pied. Puis toujours aux États-Unis, un homme déguisé en vigile a poignardé 8 personnes dans un centre commercial du Minnesota avant d'être abattu par la police. Aucun blessé n'est en danger de mort. On ne connaît pas encore les mobiles de cette agression. En France, il s'agissait finalement d'une fausse alerte. Les forces de l'ordre ont bouclé hier après-midi un quartier du centre de Paris. Il n'y avait finalement aucun danger. Les autorités françaises ont prévenu la population via une application pour smartphone. Mais chez nous, existe-t-il un système équivalent d'alerte? Le centre de crise travaille sur un nouveau système, son nom Bi-Alerte. Sa particularité, utiliser tous les canaux possibles. Explication de Benoît Ramacker, le porte-parole du centre de crise. Nous, au niveau national, on a des canaux pour alerter la population. On peut utiliser les sirènes, on peut utiliser les médias, les journalistes ou les médias sociaux. L'idée est maintenant de développer une plateforme, un outil qui va nous permettre de diffuser en une fois un même message via différents canaux. C'est vraiment l'importance de cette alerte multicanal en envoyant tant un message vocal sur des téléphones fixes, des SMS géolocalisés ou basés sur une adresse, ou utiliser les médias sociaux, ou utiliser des mails. L'idée est vraiment de pouvoir alerter les gens via différents canaux pour pouvoir faire passer le message. Pendant 2 ans, on a testé un outil, on a vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas bien, et maintenant, on va pouvoir, sur base de ces leçons tirées, de tout ce qu'on a pu constater, on va pouvoir maintenant réaliser un outil qui sera mis à disposition de tous les bourgmestres du pays, de tous les gouverneurs, pour alerter la population si on a une situation d'urgence. Donc ce n'est pas limité à des menaces d'attentat? Non, pas du tout. Ici, vraiment, on travaille sur un outil qui pourrait être utilisé pour toute situation d'urgence, quand il sera nécessaire d'alerter rapidement une population dans une zone déterminée. Une interview réalisée par Marie-Paul Jeunehomme, et notez que le système ne sera pas disponible avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dans une demi-heure, les klaxons, les gaz d'échappement seront bannis de Bruxelles. Et oui, c'est la journée sans voiture aujourd'hui. Interdiction de circuler entre 9h30 et 19h. Pierre Vandenbulk, vous êtes près du rond-point Schumann, près d'une artère habituellement très fréquentée, mais les voitures se font déjà rares. Alors oui, effectivement, mais ce matin, même s'il est encore permis de circuler jusqu'à 9h30, eh bien, peu de voitures ici. Ce qu'on attend tout prochainement, c'est un déferlement de vélos. C'est d'ailleurs toujours assez impressionnant d'observer le flux incessant de bicyclettes tout au long de la journée. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Alors, cette journée sans voiture, c'est devenu une tradition, et c'est évidemment une journée ludique et festive avec des animations aux quatre coins de Bruxelles. Camille Thierry, vous êtes la porte-parole de Bruxelles Mobilité. Justement, en termes de mobilité, ça sert à quoi une journée comme celle-ci encore aujourd'hui? Mais disons que le dimanche en voiture, c'est un peu le point d'orgue de toute la semaine de la mobilité, semaine pendant laquelle on invite tout le monde à s'interroger sur sa pratique de la mobilité au quotidien. Quel déplacement, à quel moment de la journée, comment mixer au mieux les différents modes de transport pour pouvoir aller à l'école, au travail, dans le respect de tous les usagers, dans le respect du développement durable. Donc on continue à se poser cette question chaque année pendant la semaine de la mobilité, et le dimanche en voiture, c'est le moment de découvrir Bruxelles autrement. Justement, la STIB est gratuite, peut-être le moment de tester le métro pour se déplacer, voir comme c'est facile, pouvoir tester les nouvelles pistes cyclables, comme ici, rue de la Loi. Donc vraiment toute une série d'activités qui nous mettent le pied à l'étrier. Oui, voilà, hein, et journée sans voiture ne signifie pas pour autant journée sans code de la route, il reste d'application. Et puis certains véhicules comme les véhicules d'urgence, police, pompiers, ambulances circulent aussi, tout comme les taxis et les bus de la STIB, hein, vous l'avez dit. Et tout cela, c'est sans compter ceux qui ont obtenu une dérogation. Cela dit, tous ces véhicules autorisés à rouler ne peuvent pas dépasser les 30 km/h. La ville sera donc, comme à chaque fois, très silencieuse. Le vacarme du trafic automobile reprendra ce soir à 19h. Merci donc Pierre Vandenbulk et merci à votre invité. Les fêtes de Wallonie se poursuivent à Namur aujourd'hui. Il y aura le cortège à 10h ce matin. Et puis, grand moment de folklore, hein, le combat des échasseurs. Il aura lieu à 16h30, place Saint-Aubin. On fête aussi la Wallonie dans d'autres villes, hein, bien sûr, des animations à Liège, Mons et La Louvière. Mais finalement, ces fêtes, ça représente quoi? La Wallonie, c'est quoi pour vous? Voici la réponse de plusieurs fêtards à La Louvière. Pour moi, la Wallonie, ben, ça représente beaucoup. Au moins, il y a des gens qui se rassemblent et au moins, on voit du monde. Et au moins, on montre c'est quoi la Wallonie, la fête, les amusements, le partage. Nous sommes le village de Besançon-Rieux et tous les ans, on offre des moules aux habitants du village. Donc, il y a une espèce de procession le dimanche. Et puis, à 20h, on commence à cuire sur la place au feu de bois les moules et on les distribue aux gens. Tout ça accompagné d'airs de musique, souvent des airs de gigue, bien entendu. Les fêtes de Wallonie, pour vous, c'est quoi? À part manger. Manger et boire, en fait. On va dire qu'à La Louvière, on a réinventé le concept de Wallonie. La fête de la Wallonie, c'est la fête de la convivialité, je pense. Et donc, ça comprend à la fois des animations culturelles, mais surtout des occasions de réunir des citoyens pour faire un projet commun, ensemble. Fêter la Wallonie, quelque part, c'est fêter la vie ensemble. Oui, tout à fait, le vivre ensemble. Je pense que c'est vraiment ça. Et la Wallonie, c'est quoi? Bah, c'est la fête, voilà. Voilà le reportage en musique signé Mathieu Van Winkel. En bref, peut-être une nouvelle bavure de la coalition internationale en Syrie. Selon la Russie, les États-Unis et ses alliés ont bombardé des positions de l'armée syrienne. Plusieurs dizaines de soldats sont morts. La Russie a convoqué le Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis regrettent, mais dénoncent un certain cynisme. Les Russes ne convoquent personne lorsqu'il s'agit de civils. Pas content, le représentant russe a quitté la séance. 110 millions de Russes sont appelés aux urnes aujourd'hui. Élection pour renouveler renouveler la Douma, le Parlement. Le parti Russie Unie, favorable à Vladimir Poutine, est favori. Élection également en Allemagne. Les habitants de Berlin doivent élire leur Parlement. Nouveau test pour le parti d'Angela Merkel après l'humiliation il y a quelques jours. Rappelez-vous, le CDU a perdu face au parti anti-immigration AfD lors d'un scrutin régional dans le nord-est du pays. En sport, Moucron a gagné hier soir le match qu'il ne pouvait pas perdre. Les Hurlus se sont imposés à Westerlo 1-3. L'entraîneur Glenn De Boeck a sans doute donc sauvé sa tête. Pour le défenseur Thibaut Père, l'équipe s'est serré les coudes. Il y a eu du sérieux dans le groupe. Du sérieux, de l'application, beaucoup de générosité. On savait que c'était pas une semaine évidente à gérer. On a fait une bonne mise au vert, je pense, une mise au vert qui nous a servi. Et voilà, ça fait du bien de temps en temps de tout couper et se concentrer uniquement sur le groupe et sur le foot. Donc voilà, ce soir, c'est une très bonne victoire. C'était une sorte de match à 6 points. Voilà, je pense qu'on a un effectif de qualité. Donc on est 11 sur le terrain, c'est nous qui jouons. On a notre sort entre nos mains. Voilà, maintenant, on va prendre ça pour un nouveau départ et essayer de redonner une nouvelle dynamique à l'équipe. Une interview de Thierry Duterte, et puis plus tôt dans la soirée, Eupen n'a pas démérité à Bruges, mais a fini par s'incliner 3-2. Zult a battu Courtrai 2-1 et conforte sa première place. Saint-Tron a dominé Wasland 4-1. Au menu cet après-midi, à 14h30, le déplacement d'Anderlecht à Genk. À 18h, le Standard joue à Lokeren, et à 20h, Gand clôture le week-end à Ostende. En tennis, la Belgique mène 3-0 face au Brésil et assure sa place dans le groupe mondial dès la deuxième journée. Hier, le double Bemelmans de l'Aure a créé la surprise en battant la paire brésilienne classée quatrième du monde en double. Aujourd'hui, on jouera les deux derniers simples pour la forme. Les Paralympiques se clôturent aujourd'hui à Rio. La Belgique bouclera sa quinzaine avec 11 médailles, un joli bilan. Hier, Marieke Verwoerd a pris la médaille de bronze sur 100 mètres pour la dernière course de sa carrière. Peter Jenin a gagné le 400 mètres, mais hier, la course cycliste a été endeuillée par la chute mortelle d'un coureur iranien. Enfin, Formule 1, Nico Rosberg partira en pole position au Grand Prix de Singapour devant Ricciardo. Allez, terminons ce journal par vous donner un petit rendez-vous. Rendez-vous sur la Une Télé à 11h30 ce matin. Une nouvelle émission politique fait sa rentrée. Son nom, à votre avis, et la grande particularité de cette émission, c'est l'interaction. Vous pouvez réagir en temps réel grâce à une application baptisée Match Talks à télécharger sur votre smartphone. Vous pouvez donc donner votre avis en direct. Sacha Daout, le présentateur de l'émission, vous explique comment ça fonctionne. Les questions vont apparaître en direct, on va recevoir des petites notifications, des alertes. Chaque fois qu'une nouvelle question est posée, on va en être informé. Ce qui veut dire qu'on peut aller directement poser cette question. C'est ultra simple. En fait, on dit que le téléspectateur entre dans le débat, mais le débat entre aussi dans le téléphone du téléspectateur. Et ça, c'est tout à fait neuf. On a voulu utiliser ces moyens modernes de communication pour le faire. On peut bien sûr continuer à nous interpeller sur la page Facebook, sur Twitter, mais on veut en tout cas qu'en direct et en temps réel, j'insiste bien, on va pas prendre le temps de dépecer, d'analyser les questions. Vraiment, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, le vote, les questions, eh bien, ça m'est transmis directement en studio et je peux interagir avec ça. Rendez-vous donc à 11h30 sur la Une Télé aujourd'hui. RTBF Mobile Info, Jean-Marc Strel, il y a un camion en ciseaux sur le 411. Oui, Namur-Arlon au kilomètre 57.6 à hauteur de Loyers. Il n'y a pas d'énormes soucis, mais prudence tout de même en direction d'Arlon. Et puis d'ici un quart d'heure, impossible de circuler dans Bruxelles et ce jusqu'à 19h. Vous le savez, c'est la journée sans voiture. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 9h13, retrouvons tout de suite les enfants de cœur sur Vivacité. Merci, c'était Simon Gérard. Prochaines informations à 10h. Place aux enfants de cœur depuis Wépion. Vandenborg suit chaque jour les prix des autres magasins et adapte ses propres prix. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Les enfants de cœur sur Vivacité. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, les enfants de cœur ramènent leurs fraises à Wépion à l'invitation de l'ASBL Saint-Antoine. Bonjour à tous, comment allez-vous? Ils vont bien. Est-ce que vous étiez là présent il y a 2 ans avec Philippe Geluc et Benoît Poulvorde? Quel souvenir, je ne me trompe pas. Je crois que les murs en tremblent encore. Eh bien, je pense que aujourd'hui, ça va être nettement plus calme. Je pense. En tous les cas, nos invités, parce qu'ils sont deux, arrivent dans un instant. Après vous avoir présenté l'équipe des chroniqueurs sur un thème un peu particulier, celui des beignes, des mandales, des baffes, des torgnoles, des claques et autres taloches, nous y voici, c'est parti. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. Le mec tranquille, peinard, accoudé chaque fois au comptoir, qui lui jamais ne laisse béton, je vous demande d'accueillir le sympathique Cody. Bonjour à tous, bonjour. L'homme du grand cactus en télévision sur la 2 avec... Bonjour, Wimpion. Jérôme de Warzé. Magnifique, quel accueil. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarte ta gueule à la récré. Celui qui dans l'équipe a certainement gardé le plus une âme d'enfant, il a toujours un peu 10 ans dans sa tête, Christophe Bourdon. Bonjour, bon dimanche. Bonjour, bonjour. J'ai été extrêmement désobéissant. Que j'ai bien mérité une grosse fessée. Tu l'aurais bien voulu celle-là, hein? Oui. Elle s'appelle Lucie la fessée. Il n'est pas contre l'idée de la fessée, mais pas de la part évidemment de sa voisine Fernande. Il s'appelle Dominique Watrin. Bonjour à tous. Et dans l'équipe de 4 chroniqueurs, il en manque un. Il ne pense qu'à la nuit de folie et tape, tape, tape, déjà sur tout ce qui bouge, James Dino. Regardez la classe, incarnée. Bonjour tout le monde. Ils sont deux nos invités du jour. Ils viennent de jouer plusieurs mois dans un beau théâtre à Paris avant d'enchaîner dans un autre beau théâtre, cette fois à Avignon, durant tout le mois de juillet. Ils viennent nous parler également du Vous Rire Festival, festival d'humour à Liège du 20 au 23 octobre prochain, les frères Taloche. Oui. Vous accueillir avec Relax. Ça vous rappelle quelque chose, oui, ça me rappelle quelque chose. 1997. Oui. C'était ce qu'on appelle un tube de l'été. Oui. Et avec le recul. Avec le recul, on a honte. Non, franchement, parfois on nous le rediffuse pour nous faire plaisir, mais je pense que c'est le truc, avec le recul, on se dit, on n'aurait peut-être pas dû. Ah, mais ici, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Hein. Bon, c'est pour le grand moment de honte, effectivement. Voilà, mesdames, messieurs, je crois que nous allons passer un bon moment, un bon dimanche matin avec Bruno et Vincent Taloche, l'équipe des Enfants de Cœur. Nous sommes partis jusqu'à 10h30. J'ai un problème avec les frères et les trucs. Et il y a un ami qui m'a donné un truc. Donc entre les frères Darnay et les frères Taloche, il me dit, il y en a deux qui sont pas très drôles et les deux autres encore moins. Les enfants de cœur. Vous connaissiez ça? Oui, on me l'avait dit, oui. On n'en a pas parlé avec Philippe Gueluc, il faut qu'on lui parle aussi. Ah ouais, ouais, mais c'est qui a dit ça? Philippe Gueluc. Ah, ouais, non, il l'a dit après, que vous aimez beaucoup. C'était une petite blague, évidemment, entre humoristes. Il y a 15 jours, chers amis, nous étions à Aide. Nous recevions le chanteur-leader du groupe Charcot. Vous connaissez David Bartholomé? Alors, je ne le connais pas personnellement, mais je connais le groupe. Oui. Extraordinaire. Il nous a envoyé un petit mot. Il a publié un petit texte sur les enfants de cœur. Je vais en livrer quelques lignes parce que ça vaut vraiment la peine. C'est un garçon charmant. L'autre jour à Aide, j'étais convié, dit David Bartholomé, à participer à l'enregistrement public de l'émission d'humour de Vivacité, Les Enfants de cœur. Beaucoup de monde dans la salle, comme ici. Beaucoup de fans de la première heure. La popularité des chroniqueurs, les quatre là, est folle. Faut dire qu'ils n'avaient plus vu à Aide des stars depuis Pierre Bachelet en 1991 au Festival des Pédalos de Rabais. Jean-Jacques Brunin, c'est de moi qu'il parle. L'animateur de l'émission me fait penser à un curieux mélange de Guy Lemaire et de Philippe Gildas. Vous êtes d'accord ? C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas mal. Écoutez bien la suite. Il passe les plats avec habileté, avec cette bonhomie à la belge, où il exerce l'intelligence suivante, se faire passer pour un idiot. Alors que tout le monde. Non, le c'est naturel, c'est vrai, c'est naturel. Ou un conservateur offusqué, ouvrant des brèches qui permettent aux chroniqueurs et à l'invité de briller. Ce qui est plus drôle encore que leurs sketchs écrits à l'avance, ce sont leurs fulgurances. Les improvisations projetées, piquées au détour d'une remarque bénigne. Les bons mots, si Bourdon et Cody semble fort dans les bons mots, Dino est très vif sur les rebonds. Il écrit bien. Ouais, non, il écrit super bien. Il parle du basket, là. Non, et le public a ri. Il a ri, mais il a ri. Après tant de rires et de spectacles pittoresques, j'ai pris ma guitare et tenté de poser When I Was Your Age en acoustique. Le silence, bigre, plus personne ne chuchotait, plus personne ne toussait, ne buvait de leur voile à la paille. C'était très touchant. Certains diront que la chanson était belle, mais je pense plutôt que c'est l'espace créé pour elle qui l'était. Oh, tellement beau. Bravo Nicolas. Ah ouais, touchant. Alors Jean-Jacques, alors que nous demain, après l'émission, on va vous écrire. Merci Jean-Jacques. C'était vraiment bien, il y avait une bonne ambiance. Merci pour le buffet. Voilà, si vous voulez lire tout le texte de David Bartholomé, www.charcot.be/journal. Mesdames, messieurs, voici dans ce monde de brut un moment d'apaisement avec Cody, le journal des bonnes nouvelles. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal des bonnes nouvelles. On commence avec la science qui nous livre cette étude. Selon une étude, le QI des enfants serait plus élevé chez les mamans avec un gros derrière. Le QI de 120 correspondrait donc au tour de hanche. La NASA se lancerait en ce moment même dans un programme pour féconder Maggie de Bloch. Sécurité, cette dépêche qui vient de nous tomber dans le cadre d'une des affaires de terrorisme en France où trois femmes auraient été arrêtées. Nous espérons avoir plus d'infos pour vous dire qui ces trois femmes étaient au moment de leur arrestation. Enchaîne. Auraient été arrêtées. Okay. Voilà. Auraient été arrêtées. Mais t'étais qui? Voilà, vous savez, quand on le répète, ça passe mieux. C'est ce que je dis toujours à ma femme. Cody, se relire, c'est tout un art. Exactement. La Corée du Nord a mené un nouvel essai nucléaire, le cinquième. Pour rappel, les quatre premiers ont été faits sur les frères Bogdanov. Nous attendons avec impatience les résultats du cinquième. Politique, plus de 10 000 personnes étaient présentes à la fête des familles organisée par la NVA à Plopsaland à La Panne. 100 familles syriennes ont été autorisées à mettre les voiles pour l'occasion. Si possible, pour un aller simple. Scolarité, faute de place dans les écoles près de chez eux, des jeunes élèves doivent aller à l'internat. Face à ce problème, des prêtres proposent aussi de mettre des lits à disposition. Le père Frédéric Vert, directeur de l'internat des Petits Brunins, aurait, par solidarité, déjà donné son aval pour l'accueil des nouveaux élèves. Selon le père Vert, on n'est jamais trop aidé. Et c'est la fin de cette édition. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres bonnes nouvelles. Merci mon cher Cody. Petite pause dans les enfants de cœur. Ah non, pas du tout, que dis-je. Avant la pause, la question mystère de Christophe Bourdon. Je vous explique en deux mots, Vincent et Bruno. C'est une question que nous pose Christophe. À force de questions, à nous de trouver l'énigme. C'est clair ? Allons-y. Une histoire vraie, dans l'actu. Je pense qu'ils n'ont rien compris à votre explication. Moi, je ne sais plus ce qu'on pose la question. Jean-Jacques, vous pouvez recommencer. Vous expliquez très mal. Il fait très chaud. Il n'a pas vu que. Faites un effort. Hein. Ah, si, justement. Bon, donc, c'est une actu véridique, insolite, et vous devez trouver la réponse. En France, deux jeunes cambrioleurs ont été mis en fuite par un propriétaire. Il venait de cambrioler sa maison, il les a vus, ils sont partis en courant. Et en fait, la police les a retrouvés en deux temps, trois mouvements. Comment est-ce possible? Ils sont cachés dans l'abri de jardin ? Non. Ils sont cachés dans la camionnette des flics ? Non, ils sont partis. Ils sont partis. Ils les ont retrouvés plus loin ? Ils les ont retrouvés chez eux. Il y avait des traces. Ils avaient marché dans la peinture. Il y avait des traces. Il y avait quelque chose. Des traces de peinture. Non. Dans la neige, peut-être. Non. Ils avaient pris des bouteilles, ils s'étaient renversés. Non, mais on est sur la piste. Ils avaient semé des choses ? Ils ont semé des choses. Malencontreusement. Des pièces. Ils ont semé quelque chose, oui. Des billets. Pas des cailloux. De l'argent, non. Les billets. Non, de carte d'identité, ils vont pas semer des cartes d'identité. Ils ont 20 cartes d'identité par personne. Ils l'avaient volé. Non, oui. Ça se mange. Ils ont perdu des objets et il y a un des objets qui les a permis de les retrouver. Oui. Des bijoux. Non, pas des bijoux. Des téléphones portables. Des montres. Non. Bracelet. Ils ont semé des enfants. Pas la nourriture. C'est un objet électronique ? Non, c'est pas électronique. C'est une antiquité ? Non. Non plus ? Des billes. Non, pas des billes. Ben voilà, le gang vient de retentir. Et l'ego ? Ah ben, sans s'en rendre compte, ils ont embarqué du fil de canne à pêche et le fil s'est déroulé jusqu'à chez eux. Ben non, je vous jure que c'est vrai. Allez voir sur Internet. Ah, elle est magnifique. Merci Christophe, petite pause. Autre question mystère et la chronique de Dominique Watrin tout de suite. Le répondeur des enfants de cœur écoute vos confessions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au 070 222 660. 070 222 660. Info et bonne humeur. La bande du 8-9 revient lundi de 8 à 9 pour bien démarrer la journée sur Vivacité et sur la Une. Vous avez raté un ou plusieurs épisodes de la deuxième saison de la web-série Pas de stress. Ayez le bon réflexe et regardez vos épisodes où, quand et comme vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. Ma femme a disparu de notre domicile tôt dans la matinée le 5 juillet. Pas de cadavre, pas d'armes du crime. Leur seul espoir, ce sont des aveux. Tu me demandes si j'ai tué ma femme ? Gone Girl, un thriller psychologique de David Fincher avec Ben Affleck, suivi de Company Men, ce lundi sur la Une. Ce dimanche, c'est complètement foot. Et c'est à 20h que nous vous donnons la parole sur la première journée en Ligue des Champions Europa League. Septième journée ce week-end en Pro League. Et nous attendons vos questions à notre invité, Thomas Meunier, notre Diable Rouge et nouveau joueur du PSG. Complètement foot avec David Oudret, Pascal Chimé et Benjamin Nicaise. Visiter le continent africain en chameau ou le continent américain en cabrio. Lâchez-vous, chez Neckermann, vous avez le choix parmi plus de 100 circuits. Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500€ de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances. Au départ, j'aurais jamais eu, moi, la prétention, la légitimité. Quand vous ne trouvez pas vos mots, vous demandez. Oui, oui, c'est vrai. Je suis à la Comédie Française, donc c'est très difficile pour moi. Je dois trouver des mots simples. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. Depuis Wépion, salle, le bienvenue avec Bruno et Vincent Taloche. Vous avez senti l'applaudissement spontané. Très spontané. Oui, très spontané. Ils font ça très bien. Et puis ils ont très très chaud. C'est d'autant plus fatigant pour eux d'applaudir. Exactement. Et juste avant, c'était la voix de quelqu'un que vous connaissez bien. Elliot Génico, exactement. De la Comédie Française. Et oui, c'est vrai qu'on n'aurait pas pensé, mais ça fait quelques années maintenant. Sept ans. Oui. Belle aventure. Qui est à Paris, exactement. Exactement. Petite citation de quelqu'un que vous connaissez bien également. Peut-être vous allez le découvrir. Le seul moment où les enfants nous foutent la paix, c'est quand on les fait. Grand philosophe, on le connaît bien. Grand philosophe français. Sacha Guitry. Non. C'est un humoriste. Toujours vivant. Toujours vivant. Humoriste, toujours vivant. Du samedi soir. Ruquier. Laurent Ruquier. Non, mais il n'est pas philosophe du tout. Patrick Sébastien. Patrick. D'accord. Ah oui. C'est vrai que ça lui correspond bien. Oui. Et c'est vrai qu'il en fait beaucoup. De quoi ? Des enfants ? Enfin, des tentatives, en tout cas. Et on fait tourner les serviettes. Les frères Taloche qui partent en tournée avec la pièce Les Caves, hein, on pourra vous voir à gauche et à droite. C'est vrai que les Caves, finalement, c'est tout à fait autre chose de ce que vous avez toujours fait. Le public n'a pas été un petit peu déstabilisé ? Non, on a plutôt un bon accueil sur cette pièce. C'est une autre écriture pour nous, parce que d'habitude, on fait des sketchs qui s'enchaînent les uns les autres. Et ici, c'est vraiment une histoire. C'est deux personnages enfermés dans une cave. C'est un peu basé sur le syndrome de Stockholm. Et ces deux personnages, elles cherchent par tous les moyens de sortir de cette cave et ils inventent des choses avec des objets qui trouvent, évidemment, on se rend compte très vite, en tout cas les spectateurs se rendent compte très vite, qu'ils n'arriveront certainement jamais à sortir comme ça. Et à quel moment de la pièce vous chantez « J'ai encore rêvé alors, d'elle » Alors, écoutez, pas du tout, on ne le chante pas du tout. Alors, qu'on nous pose la question. On ne le chante pas, mais on s'est rendu compte que les gens nous parlaient toujours d'un moment clé de la pièce, où on fait une parodie d'une musique avec des poubelles que l'on trouve dans la cave sur Johnny et Patricia Cass, et la plupart des gens retrouvent un rapprochement avec notre sketch encore VNL, alors qu'on l'a pas fait volontairement. Toutes les informations sur quel site ? Sur notre site. Oh, ce qui est toujours facile à retenir depuis 15 ans, on va attendre maintenant taloche.com. Alors celui qui ne retient pas, franchement, on peut rien pour lui. Je sais que vous jouez les caves à 2, est-ce que ça pourrait être en plus grand nombre ? Est-ce que vous pourriez jouer les caves à 20 ? Ouh, bah. Ah oui. Et bravo, bravo. Merci, à la prochaine. Merci, bonsoir. Allez, tant qu'on est dans le rythme, je cède la parole à Dominique Watrin. Ah ben. Merde. Les enfants de cœur. Du moment qu'on ne passe pas sur son trottoir le vendredi matin, pendant qu'elle est occupée à en racler l'eau avec sa brosse de rue, ma voisine Fernande a vraiment un bon fond. La semaine dernière, elle a sonné chez moi, elle m'a dit « Tu ne veux pas venir voir, j'ai recueilli un SDF étranger qui s'était perdu et je ne comprends rien à ce qu'il me dit. » Question polyglotte, en réalité, moi je suis plutôt monoglotte. Mais j'ai quand même pris mon petit dictionnaire de néerlandais de l'école en me disant « on ne sait jamais ». Une fois arrivée devant la porte de son salon, Fernande m'a retenu par le bras et elle m'a murmuré « ne sois pas étonné, il parle très bizarrement. Tu fais comme moi, tu dis « oui, monsieur Panda, il s'appelle je ne sais plus comment Panda ». Pour être étonné, quand j'ai vu le visiteur, j'ai quand même été étonné. L'homme s'est incliné et m'a dit « bonjour, je suis le Dalai Lama ». Il n'a pas eu le temps de poursuivre, Fernande l'a interrompu. Elle m'a dit « oui, c'est ça, c'est pas Panda, Dominique, c'est Lama. Moi, tu sais, les animaux. » Pour dire quelque chose, j'ai demandé « bonjour, vous allez bien ?» Et la Dalai Lamette va bien aussi. Fernande a poursuivi « voilà, monsieur Koala, dites à Dominique ce que vous me disiez. » Et le Dalai Lama m'a dit très sérieusement « sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras une destinée. » Fernande a froncé les sourcils, comme s'il lui avait arraché un poil du menton par surprise. Puis elle a enchaîné. « Tu vois, Dominique, il est jardinier comme moi. Moi, je sème des carottes et des radis. Et lui, il sème des actes et des habitudes. » Et elle a aussitôt ajouté « Dites, monsieur Boa, tant que Dominique est là, on va aller vous rhabiller parce que votre tablier en tenture, il est beaucoup trop large. On pourrait en mettre quatre comme vous dedans. Venez, on va aller voir sur le marché. » Dalai Lama ou pas pour Jeannine, la vendeuse de tablier de Fernande, un client, c'est un ami. Quand Fernand lui a expliqué sa demande, elle a secoué ses bras qui pendaient comme des sacoches de facteur et elle a dit « Venez ici, monsieur Puma. On va vous essayer quelque chose de plus joyeux. Tenez, essayez plutôt ceci et ces chaussures-là aussi. Ça vous changera de vos sandalettes de béguine. » Et Fernande a ajouté « Il n'y a pas de cabine d'essayage ici. Tu vas te mettre derrière le camion. » Quand le Dalai Lama est ressorti de sa cachette devant l'attroupement des copines de Fernande, il apparut tout de suite, disons, moins mythique. Les crocs roses à ses pieds, ça allait encore. Mais le tablier à fleurs en lycra, ça lui donnait un air, disons, de travelo version technicienne de surface. Mais le pire, c'était quand Fernande lui a dit « Viens ici, je vais serrer la ceinture de ton tablier. T'as l'air d'une aiguille à tricoter dans un cornet de frites. » Le défaut des tabliers en lycra, c'est que le tissu est léger et les boutons feraient se passer. Quand Fernande a attrapé les deux bouts de la ceinture et a tiré d'un coup sec, il y a eu comme un appel d'air. Le tablier s'est plaqué sur le Dalai Lama et les boutons ont bâillé pour évacuer l'air. J'en suis le témoin sur Terre pour toutes les générations. Le Dalai Lama ne portait pas de slip. Et la prêtresse Fernande, qui n'a visiblement pas besoin de double foyer pour voir certains détails, s'est juste écriée « Ne t'inquiète pas, à mon âge, des clochettes comme les tiennes, on ne sait plus quelle musique on peut faire avec. » Dominique Watrin. À revoir en image sur la plateforme Ovio, évidemment. Alors, mes amis, deuxième question mystère qui s'appelle « C'était pas mieux avant » et qui met en scène ici un des nombreux sosies de Johnny Hallyday. Écoutez le début de l'histoire. Sa passion pour l'idole des anciens jeunes ne va pas trop loin. Il a demandé la responsabilité d'un rayon bien particulier et ce n'est pas pour rien. Voilà, ce sosie de Johnny travaille dans une grande surface et il est très heureux de travailler dans ce rayon-là. Quel rayon ? Les CD ? Non, pas du tout. La boucherie ? Non. Le rayon des apéricubes. Non. Le rayon fromage. Le rayon des grosses motos, mais en modèle réduit. Non. Le rayon des... C'est alimentaire ? C'est alimentaire. Alcool. Fromage. Les pâtes. L'alcool. Les pâtes et du riz. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est la nourriture préférée de Johnny. Ouais. Mais il n'y a que lui qui le sait. Oui. Écoutez plutôt sa réponse. Le rayon parfait, parce que c'est tout ce que Johnny mange. Et dans mon cœur, il fait partie de ma famille, de tout. Alors nous on n'est rien pour toi. Si, si. Non. Après lui. Après lui. Ah oui, après lui. Moi je préfère être avec Johnny. Tu préfères être avec Johnny? Oui, mais non, tu sais. Au moins c'est clair. Non, tu sais. Il aurait pu aller au rayon fromage. Johnny aime bien le roquefort. Ça mérite des applaudissements. Mais comment fait-il? Ah oui. Arrêtez, vous l'encouragez. Le sens incroyable de la répartie. Allez, petite pause dans les enfants de cœur. Nous revenons rapidement avec James Dino et ses questions Zarbi. C'est pour vous les questions Zarbi. Et puis notre nouveau rendez-vous, le personnage mystère. Qui est-il? Il habite la région et pourtant il a un destin peu commun. Ce sera juste après la petite pause. Pour écrire aux enfants de cœur, notre adresse c'est lesenfantsdecoeur@rtbf.be. Salut, c'est Marion. Salut, c'est Julien. C'est Stéphane. Et vous êtes bruxellois sans doute? Ou non, peut-être. En tout cas, on a rendez-vous. Un grand rendez-vous. Non, un gros rendez-vous. Ah oui, un rendez-vous. BXXL. Le lundi soir, BXXL, c'est tout moi, c'est tout toi. C'est tout Bruxelles. De 20h à 21h sur Viva Bruxelles. Bientôt à Anderlecht, préparez-vous à acheter moins cher toute l'année. Mais comment font-ils? Découvrez-le sur electrodepot.be. Electrodepot. Vivacité recherche des Tintin reporters. Si vous êtes étudiant ou jeune diplômé en journalisme, postulez sur belgodyssée.be et vous gagnerez sans doute un stage rémunéré de 6 mois dans notre rédaction. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Vivacité et la 2 présente Spa Italia. Le dimanche 2 octobre, vivez une journée 100% italienne sur le circuit de Spa Francorchamps. Exposition d'auto et moto classiques et modernes. Sessions sur piste, parade et bien plus encore. Inscription et informations sur spaitalia.be. Un événement DG Sport. Le nouveau Mercedes GLC Coupé. Un SUV puissant aux allures de coupé. Pour franchir les montagnes les plus élevées. Ou les cases vitesses dans votre rue. Pour traverser des paysages enneigés ou les flaques devant votre garage. Pour explorer les territoires les plus vastes ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé. Pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Vivacité présente. Commissaire Trafic, comment ça se passe sur la route? Alors vous perdez 3 jours sur la E421 et des ravitaillements en eau sont prévus pour les automobilistes bloqués sur la E124. Pourquoi perdre son temps dans les bouchons? Optez pour le covoiturage, le train, le bus ou le vélo. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Une initiative de la Wallonie. Semainemob.be. Chérie, t'as pas vu mon vieux jeans? Bah si, je l'ai amené chez Poincaré. Ils vont le donner au petit rien. Et moi, j'ai eu 15 euros de réduction sur mon nouveau jeans. Rapportez votre vieux jeans chez Poincaré et recevez 15 euros de réduction à l'achat d'un neuf parmi les marques Tom Taylor, Esprit, Only, Street One, Jack & Jones, G-Star, PP ou encore Essoliver. Info sur poincaré.eu. Kamasutra, le son neuf. Investir dans une chaudière au mazout super économe, c'est profiter d'un rendement encore meilleur. Plus d'infos sur informazout.be. Moi, ce qui me plairait le plus, c'est être le quatrième dans la course des frères Borlée. Julien Watrin. J'aurais bien voulu avoir le nom, mais je n'ai pas eu votre... Moi, j'ai le nom, mais je cours pas vite. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. Ça, c'était David Bartholomé, le leader de Charcot, quand nous étions à Aet il y a une quinzaine de jours. Nous sommes aujourd'hui à Wépion et il fait très chaud, n'est-ce pas? Mais vous êtes en forme, formidable public. Hein. Oui, oui, formidable public. Je vois que monsieur a sorti les petites fraises au premier rang. Oui, c'est des... son t-shirt, tu veux dire? Non, non, les petites fraises, il nous est en train de nous montrer ses couilles. Enfin, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, maintenant que vous le dites, oui. Alors, nous ne sommes pas responsables de tout ce qui se dit sur ce plateau. Et madame, vérifie si c'est pas vous, madame. Hein, vous n'en avez pas. Hein. C'est d'office l'autre. Mais c'est pour ça que j'ai chaud, évidemment. Je ne sais jamais ce qui va sortir. Arrêtez de le tripoter, madame. Bon, bref. Allez, question à la mode James Dino. C'est le questionnaire Zarbi, c'est tout. Pour qui? Où ça? Avec qui? Quand? ça. Combien? À quelle heure? À quelle heure? En quelle heure? Saviez-vous? Mais comment? Vous êtes ici parce que vous avez écrit une pièce, mais est-ce qu'on vous a dit que quand on dit écrire une pièce, on ne parle pas d'écrire le nom d'une pièce de la maison? Je dis ça parce que vous avez écrit les caves. La si prochaine, vous... ce sera la chambre à coucher. La cuisine, le grenier ou les toilettes, la prochaine. Il y a une suite possible, comme vous avez remarqué. Alors, évidemment, on vous voit souvent avec la même chemise et les mêmes bretelles. Hein, ouais. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est avez-vous 15 fois la même chemise et les mêmes bretelles ou est-ce que la mère Taloche fait la lessive tous les soirs? Non, c'est par contre, c'est un mélange de, dans la réponse, c'est qu'on a une bonne dizaine de chemises d'avance, mais c'est notre maman qui les fabrique. Qui arrache l'école. Eh oui, notre maman à la bouche. Qui est couturière et qui continue. Comment? Elle nous fait les pantalons de scène et voilà, si tu nous écoutes, elle écoute l'émission tous les dimanches comme ça. Hommage à maman qui travaille. Ah ben j'étais tout à fait pile dedans alors évidemment. Alors vu que dans vous ma jouez mère, soyez à peu près. Vous avez un humour très particulier. J'ai été pile après dedans. Après Cody, il va falloir couper. Maman, si t'écoutes, coupe le poste. Va à la messe. J'étais pile dedans avec mes petites fraises. Allez. Bon, alors vu que vous jouez beaucoup sur la grimace, est-ce qu'on vous a déjà confondu avec les frères Bogdanov? Alors, confondu non, mais souvent les Taloche et Bogdanov évidemment oui. Prêtent souvent à confusion. Moi par exemple, je suis Prochnat, donc j'ai le comment menton un peu Prochnat. J'ai le menton un peu en avant. Mais je pense que je suis dans cette catégorie un petit peu amateur par rapport aux frères Bogdanov. On a de la marge. Oui, ils ont pris beaucoup d'avance. Hein. Quand vous faisiez J'ai encore rêvé d'elle, est-ce que vous avez chopé plus de rendez-vous avec des jolies filles ou avec des médecins dentistes pour décrochage à la mâchoire? Alors non, mais les premières fois qu'on faisait ce sketch, les gens pensaient qu'il y avait un trucage à la télé parce qu'on m'a dit mais tu peux pas ouvrir la bouche aussi fort. Mais alors quand je dis des gens de temps en temps, hein, ils étaient internés depuis. N'empêche, il faudrait que les frères Bogdanov reprennent J'ai encore rêvé d'elle, ça va être c'est encore impossible. Plus impressionnant. Ah, ce serait terrible. Le menton touche par terre. C'est une bonne idée. Et dernière question, est-ce que c'est lourd à porter d'être souvent considéré comme le frère de l'autre? On en parlait tout à l'heure avec Bruno. Oui, parfois c'est lourd. Surtout quand on pense qu'on a un frère comme ça, c'est lourd à porter, tout à fait. Et surtout qu'on est quatre. On a encore quatre. Deux autres frères à porter. Et plus Jean-Jacques qui vient de... Jean-Jacques qui vient de signer un pacte familial. Bien, c'est les amis, c'est terminé. C'est une belle chute. Hein. Merci beaucoup pour une bonne questionnaire. Mon cher James, dis-le, petit cadeau pour vous. Ah. Chacun aura le sien, hein. Chacun aura, je vous rassure. Offrir du chocolat avec cette chaleur. Oui. Ils sont tous fondus. Alors, non. Puisque derrière regarde, votre poste, vous n'entendez pas. La preuve qu'ils ne sont pas fondus. Oh, il a acheté dans les chocolats. De Jean-Philippe Darcy. T'aimes bien les macarons, je les garde. Ah, d'accord. Je vais les chercher dans le public. Il y en a un autre là. Si je brave le public. Oh, il y a deux sacs. Mais évidemment. Il va les rechercher. Mais vraiment, les chercher. Mais ne ramène pas les fraises. Allez, après JM Dino, c'est l'heure donc de cette petite nouveauté, le personnage mystère de la région. Allons-y. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Christian Dauchin. Installez-vous près de Vincent. Je vous présente donc Vincent Taloche. Je suis très gentil, monsieur. Et ici Bruno, ainsi que toute l'équipe des Enfants de Cœur. Vous allez bien, monsieur Dauchin? Ça va, très bien. Voilà, il habite Lustin, à deux pas d'ici. Oui, je connais. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que son quotidien a changé? Première question, Dominique Watrin. Non, Dominique s'est penché vraiment en disant « Tu n'as pas dit Lustin, Bridou. » Ça allait de lui, hein. Alors non, il y a peu de temps, sa vie a changé. C'est avec une personnalité? Oui. De Lustin? Benoît Poulvorde. Oui. Benoît Poulvorde. Benoît le jardinier de Benoît Poulvorde. Oui, d'accord. Admettons, la réponse, c'est ça. Oui. Mais lui, qui est-il? Ben, c'est par rapport père à Benoît. De Benoît Poulvorde. Christian va répondre. Le jardinier. Non. Vous avez vendu quelque chose. Tu peux répondre ou on doit trouver? Vous devez trouver. C'est votre métier qui vous fait côtoyer quelqu'un de très connu. Oui. Son dealer de coke. Vous êtes le dealer de coke de Benoît Poulvorde. Non. Bon, on a le droit de dire ça à la radio. C'est un métier qui rapporte. Non, si on en avait temps, ça se saurait. Allez, continuez, les amis. Ah, donc c'est pas ça. Est-ce que vous avez rapport avec Benoît Poulvorde ou pas? Oui. Dans votre profession, donc vous vendez quelque chose. Vous êtes libraire. Vous êtes quelque chose, des automobiles. Oui, non. Des fans de voitures. Du vin. Non. Des livres. Vous livrez quelque chose chez lui. Vous êtes vendeur. Il a fait 27 ans qu'il est installé à Lustin. Vous êtes le témoin de Jéhovah de Benoît Poulvorde. Vous êtes son coiffeur. Est-ce que ce que vous vendez ou ce que vous apportez à Benoît Poulvorde se mange? Oui. Ah, Vous êtes, bah, vous êtes du le frisier, pain, du pain. Vous êtes le boulanger, le livreur boulanger. On y est presque, va. Le pâtissier, la farine. Le boucher. C'est pour ça qu'on crie fort. Le boucher. C'est le boucher. Voilà, exactement. Tout le monde le savait ici. On nous a pas soufflé. Et alors, il faut savoir évidemment que ce que Benoît achète le plus souvent, c'est du rhum steak sans steak et du coq au vin sans coq. Hein. Oui, c'est ça. Dans le rhum steak, il préfère le rhum. Et quand il vient c'est ce que je viens de dire. Hein. Ah oui, c'est ça. Mais il traduit. Non, Christian. Je suis fatigué. Bon, maintenant qu'on est pote, on va s'appeler Christian. Quand il arrive chez vous, ça se passe comment? Vers 6h du matin. Il est déjà un peu speedé quand il arrive. Il est déjà très très nerveux. Il met l'ambiance. Hein. Ah, il met une ambiance du tonnerre. Ah ouais. Et il prend tout le magasin, quoi. Il achète tout. Et il mange quoi principalement? Oui, allez-y, dans la confidence. Saucisse sèche. Oui. Ouais. Il vient chercher que de la saucisse sèche. Souvent, ouais. D'ailleurs, je trouve ça la saucisse sèche. De la saucisse sèche. C'est pas facile à dire. Donnez-moi de la saucisse sèche. Hein? Oh, du haché, c'est bien. Et quand il vient chez vous, est-ce que vous fendez les côtes? Oui. C'est tout le temps comme ça, ça n'arrête jamais. Épuisant, hein. C'est épuisant. Vous le saluerez de notre part? Je sais que parfois il est un peu fou. Est-ce que ça lui est déjà arrivé, par exemple, de passer le comptoir, de servir des clients, de faire ce genre de folie? Ou est-ce qu'en général, il se tient bien? Il est prêt à le faire, mon ami. Et j'ai une question. Est-ce qu'il y a des jours où il est vraiment calme? Ou pas du tout? Jamais? Non, jamais. Jamais? Non. Il est toujours fou. Et quand il y a un peu plus, vous le laissez. Et comment s'appelle votre boucherie? Dochin. C'est pour vous faire de la pub. Moi, ouais, c'est bien. Excellente question. Ah oui, merci. Alors, merci beaucoup. Christian Dochin, merci beaucoup d'être venu rencontrer l'équipe et le public de Et nos amis tiens son boulanger. Et demain, c'est ouvert chez Dochin, évidemment. Ouais, pas de... Voilà, merci beaucoup. Merci. Bonne journée, bon dimanche. On se fait à nouveau une petite pause dans Les Enfants de cœur et puis nous retrouverons un infomane, celui des Enfants de cœur et les blagues de merde de David et Jacques. À tout de suite. Retrouvez Les Enfants de cœur en podcast et vidéocast sur vivacité.be et sur la page Facebook de l'émission. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verres basiques inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Ce message s'adresse à vous qui travaillez durement pour votre argent ou disposez d'actions depuis longtemps. Vous qui ne savez plus comment gérer vos investissements dans ce contexte aussi changeant. Pour vous, CBC met à disposition des conseillers qui vous feront des recommandations sans se défiler, tenant compte de l'actualité et des avis de nos analystes financiers. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décidez-d'investir ou passez nous voir. CBC Banque et Assurance, décidez d'avancer. Vivacité La Une présente l'Eneco Tour du 19 au 25 septembre. Qui succédera à Tim Wellens? Les contre-la-montre, les sprints bonification ou l'ascension du mur de Grammont seront-ils décisifs? Venez encourager vos favoris sur le parcours ou vivez l'Eneco Tour en direct sur La Une. L'Eneco Tour, le cyclisme en fête du 19 au 25 septembre. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Il est temps de se faire plaisir avec des collections à tout petit budget au carrelage Salvatore Villevorde et Rossin-Genèse. .be. Calmez-vous. On voit qu'il a fait du karaté avec Elliot. Lui, c'est celui qui a raté. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. C'était à propos de Jean-Michel de Bénezet qui va arriver dans quelques instants et qu'on retrouvera d'ailleurs plus longuement après les informations de 10h. Nous sommes toujours ici à l'invitation de l'ASBL Saint-Antoine au bienvenue de Wepio avec les frères Taloche. À cette heure-ci, chers amis, nous devrions avoir des nouvelles d'un infomane. Les enfants de cœur. Et oui, l'infomane dans Les enfants de cœur, c'est Bruno Coppens. Alors, mon cher Bruno, où êtes-vous très précisément? Bonjour Jean-Jacques, bonjour l'équipe, bonjour Wepion, vous êtes là, cher public? Oui. Alors, vous l'entendez, je suis en compagnie de fraise. Car vous le savez, la lambada est une sorte de fraise, ici à Ouépion, avec la Darselect et la El Santa. Alors perso, je suis outré de voir qu'ici, vous avez choisi ce nom de danse brésilienne où les filles ondulent des hanches et placent leurs genoux entre les jambes de leur partenaire, alors qu'il y avait un nom tout trouvé pour désigner une sorte de fraise. C'est la Justine Hénin. Mais oui, Justine, elle a séjourné ici à Ouépion. Si, si, elle a habité en appartement avec les frères Dardenne. Enfin, les frères Dardenne. Avec Pierre et Yves Dardenne qui, en fait, ne forment qu'une seule et même personne. Vous vous en souvenez, cher public de Ouépion? Oui, je sais, Justine, elle n'est nain, restée chez vous longtemps. Elle est partie, la championne de Roland-Garros, pour Monaco, où là, elle roule en carrosse. Bon, c'est vrai, je l'avoue, baptiser les fraises de Ouépion, là, Justine est nain, ce serait assez paradoxal, vu que ce fruit est connu pour ses vertus thérapeutiques. Notamment pour lutter contre les troubles intestinaux et autres gastro-excréments douloureuses, alors que Justine, dans ses interviews d'après-match, avait plutôt l'air constipé et tout en retenue. Au passage, je signale à Cody que la fraise n'est pas non plus que purgative. Elle soigne aussi, de façon préventive, certaines maladies du côlon. Et donc, ce serait intéressant quand tu retournes au Congo que tu ramènes quelques bacs de fraises au Ouépion. Pour les blancs habitant là-bas, ce serait de la prévention. Bruno, savez-vous qui sont nos invités aujourd'hui? Mais oui, Jean-Jacques, bien sûr. C'est un très bon choix d'avoir invité ici à Ouépion les fraises Taloche. Pour moi, ce sont dans le monde entier et intergalactique les seuls vrais frères humoristes. Regardez, les frères ennemis n'étaient pas vraiment frères. Et les frères Lumière n'étaient pas des rigolos. Sauf après leur mort, puisque sur leur pierre tombale, on a écrit ICJ, les frères Lumière, qui se sont éteintes. Mais je dois quand même dire, chers Vincent et Bruno, que votre trône de meilleur frère humoriste est vacillant. Car il y a deux autres frères qui vous font concurrence depuis pas mal d'années, et leur succès monte dans la catégorie des meilleurs humoristes, ce sont... J'en parlais juste avant. Mais oui, les frères Dardenne, j'adore leur cinéma comique. Bon, faut aimer le second degré, hein, mais quand même. Notamment, il y a un gars que j'adore. Dans le film « Deux jours, une nuit », vous avez l'actrice Marion Cotillard qui marche dans les rues de Serein en tirant la gueule, comme dans tout film des Dardenne qui se respecte. Et derrière elle, qu'est-ce qu'on voit? Un bus des techs qui roule et des gens dedans. C'est mythique, c'est vraiment magnifique. Ajoutez à cela que Marion Cotillard à Serein, c'est aussi plausible que Donald Trump à Mexico. Mais bon, les frères Taloche, pour l'heure, restent les plus drôles. À la semaine prochaine. L'infomane des enfants de cœur, c'était bien sûr Bruno Coppens. Les prochains enregistrements des enfants de cœur, nous serons dans 15 jours, le 27 septembre à Momigny, à la frontière française, avec Dany, auteur de bande dessinée, et les jumeaux que vous connaissez bien. Très bien. Camarades, les jumeaux. Vous avez partagé la scène avec eux. Vous allez passer un bon moment avec eux. Ils sont adorables. Steven et Christopher. C'est bien d'avoir donné l'envie au public de venir nous rejoindre à Momigny, mais c'est complet. Oh. Ah oui, c'est complet. Mais évidemment, belle affiche quand même. Oh, bah, il peut. Et puis nous serons 15 jours plus tard, le 11 octobre, à Visée. Frontière hollandaise cette fois, à la salle Letreto avec notre collègue Ophélie Fontana. Ah, ça veut dire quoi ça? Mais parce que il aime bien ça. J'aime beaucoup. Et Philippe Reinhardt. Monsieur cinéma. Donc avisez les réservations, le 0495 36 38 39. Toutes les informations sont sur la page des enfants de cœur du site de Vivacité. Mesdames, messieurs, voici les blagues de merde. Est-ce que David peut nous rejoindre? Allez David, un petit peu d'allant. Calmez-vous, calmez-vous. Venez ici, non. Monsieur. Tournez le dos à votre public, David. Oui, mais... Mais quoi? Mais laisse-lui quand c'est retourné. Venez là près de Vincent. Monsieur. Venez, je suis très gentil, mais pas trop près quand même. Le marchand de vin de Bonaparte. On peut dire quand même bonsoir. Non, bonjour. Bonjour. Non, bonsoir. Mais non, bonsoir. Parce que c'est le matin, David. On est dimanche David, matin. Tu ne t'en es pas rendu compte, mais on est le matin. Bonjour, alors. Non, David, David. Non, retourne-toi. Non, mais quand voilà. On dit retourne d'abord, là, ta brigade est ouverte. Voilà. Alors, si tu te retournes, retourne-toi. Si tu te retournes, tout le public va voir que t'as un gros trou dans ton pantalon. T'as pas besoin de me le dire. Hein. Ah, tu le savais. Je le savais. Mais je ne savais pas que j'allais venir ici. Ah ouais. Pas je vrai. Pense qu'on est tombé sur un phénomène. Ben non. Pourquoi? Je commence. Non. Hein? Termine surtout. Il y a le petit jingle. David, blague de merde. Jingle. La blague de merde, mais qui fait quand même toujours plaisir, plaisir. Bonjour. Quoi? C'est pas ça? Vous connaissez tous François et Joseph. Il y a François qui va dans le bois. Il voit Joseph. Pas deux à un arbre. Qu'est-ce qu'il te fait là? J'en ai marre de ce j'en ai marre. J'ai vécu. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais crever. Mais t'es fou, toi. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je veux me pas t'attester. Ah, à l'arbre, quoi. Une heure plus tard. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas la corde en dessous des bras qu'il faut mettre. Ça a le coup. T'es fou, ça peut te mettre au mal. Une ovation pour David. Ouais. Attention, il va descendre. Allez, Jacques. Allez, Jacques, il y a un cadeau du musée de la fraise de Wépion. Confiture de fraise et petit alcool de fraise, c'est bien sympathique. Est-ce bien raisonnable? Bonjour, Jacques. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes chez vous ici? C'est votre patrie, Wépion? C'est dans mon village. Est-ce que les fraises sont vraiment les meilleures à Wépion? Absolument. Ah, je n'en doute pas, ça. Faites aussi bien que David, mon cher Jacques. Blague de merde, c'est parti. La blague de merde, mais qui fait quand même toujours plaisir. Ça se passe au jeu, bien sûr, et principalement en natation. Pendant les Paralympiques, il y avait un concurrent, un athlète, qui n'avait plus de bras, qui n'avait plus de jambes, mais qui avait les oreilles tellement développées qu'il battait tout le monde aux entraînements, champion du monde, champion de ceci, champion de cela, sans aucun problème. Alors, bien sûr, les autres concurrents ne voulaient plus concourir avec lui. Et ils ont dit, maintenant, tu vas les concourir avec les valides. Vu ses chronos, il est qualifié directement pour la finale. Tous les athlètes sont les starting blocks, ils sont là, le coup de sifflet, et boum, départ, hop, il pousse dans l'eau. Et alors, tu vois, Il dit, mais qu'est-ce qu'il me fait, là? Les autres sont partis, il reste dans le fond, son entraîneur plonge, il le ramène, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, là? Mais nous, déjà à l'entraînement, il dit, tu bats les records du monde, tu fais tout, et ici, oui, mais qui dit à l'entraînement, j'ai pas de bonnet. Merci beaucoup, Jacques. Cadeau pour vous. Le dimanche matin, Vivacité consacre 1h30 à l'humour. De 9h à 10h30, ce sont les enfants de cœur. Ah, chers amis, quelle ambiance de feu ici. Ambiance. Au bienvenue à Wépion. C'est énorme. Dans quelques instants, les informations de 10h sur Vivacité. Nous retrouverons Christophe Bourdon pour l'oraison funèbre de Bruno et Vincent Taloche. Ah oui, bien sûr que c'est comme ça. On a bien fait de venir. On va y aller. Oui, oui, oui, absolument. Nous aurons aussi le feuilleton Les Baraquis qui sont actualité oblige aujourd'hui à Caterpillar, mais nous en retrouvons évidemment le grand, le fort, il est venu de loin, Jean-Michel de Bénezet. Je regarde par là, hein. Je suis content d'avoir réentendu Noël de Bouillon. Il s'appelle David, lui, maintenant. Non, c'est parce que je suis encore passé à côté de la montre en or. Hein. On a fait un concours pendant l'été avec mon imbécile de voisin à l'Euro de football. Non, le Standard ne jouait pas. Pour une fois, ils ont une excuse pour ne pas marquer. Et alors, on répond à toutes les questions, on regarde tous les matchs. Hein. Et il y avait une question subsidiaire. Quel est le joueur de l'équipe belge qui a parcouru le plus de distance sur le terrain? Cet imbécile-là, il répond le gardien de but. Le sort s'acharne sur moi. Moi, je vais aller prendre une tisane à la fraise, dire bonjour à David, et puis je reviens. David, tu le trouveras au bar, si jamais. A tout de suite, les infos de 10h, à suite des enfants de cœur. Viva Bruxelles et la Une présente. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto-métro-vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser mixer, bouger. Je me suis dit, Mobile Mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, be Brussels. Paul est tout heureux de montrer à son ami Jean l'intérieur full équipé de sa toute nouvelle Seat Ateca. Mais Jean préfère rester à l'extérieur. Oh, super tes jantes. T'as vu ça? Allez, viens que je te montre l'écran de ma caméra Top View. Et sa ligne, quoi, elle est superbe. Entre, viens voir mon chargeur sans fil. Ça va, je le vois très bien d'ici. Bah, allez, monte, je t'emmène faire un tour. Je peux? Oh, il est jaloux. Elle est trop belle. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Moi, je suis le préservatif. Avec moi, vous vous protégez et vous protégez les autres. Moi, je suis le test de dépistage. Grâce à moi, vous savez si vous êtes infecté par le sida ou par une infection sexuellement transmissible. Et moi, je suis le traitement. Je vous soigne et je peux vous permettre de ne plus être contaminant pour votre partenaire. Préservatif. Dépistage. Traitement. Ensemble, nous sommes les bons réflexes pour vous protéger du sida et des infections sexuellement transmissibles. La prévention évolue. Renseignez-vous sur lesbonsreflexes.org avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Bonjour, je viens pour la Golf. Oui, bien sûr, il y a des jeunes Golf All-Star à partir de 14 990 euros. Oui, je sais, je la prends. Vous savez qu'elle dispose de jantes en alliage 16 pouces, oui, de vitres teintées, d'une climatisation, oui, tout à fait. Ouais. Une série superbe. Et super équipée, oui, je sais, je la prends. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Golf All-Star super équipée à partir de 14 990 euros. Prime de recyclage conditionnelle de 1500 euros déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. Bonne journée, vous écoutez Vivacité, il est 10h. Julie Buron nous rejoint pour le journal. Bonjour à tous. Depuis une demi-heure, plus aucun véhicule ou presque ne circule à Bruxelles. C'est le dimanche sans voiture. Moment fort de la semaine de la mobilité. Alors sur la petite ceinture, nous allons rejoindre Pierre Vandenbulk. Pierre, vous êtes à Arlois. Alors on peut dire à cette heure-ci que les vélos et les piétons, entre autres, prennent possession des rues de la capitale. Oui, même si à cette heure-ci, il n'y a pas encore beaucoup de monde, on a tout de même croisé une personne qui faisait du ski de fond à roulettes et quelques groupes de cyclotouristes sur cette petite ceinture, le temple des voitures et des bouchons traditionnellement. C'est l'artère à éviter quand on est cycliste aujourd'hui. Hein, c'est donc l'occasion de l'emprunter en toute sécurité. Mais sachez-le, les tunnels ne sont pas accessibles. Vous devrez donc rester en surface et bien sûr respecter le code de la route puisqu'il y a quand même des véhicules sur la chaussée, police, pompiers, ambulances, taxis et autres bus de la STIB. La STIB qui a renforcé ses différentes lignes pour l'occasion et tout son réseau est accessible gratuitement. Pour ceux qui ont opté pour le vélo, mais qui s'aperçoivent ce matin qu'un pneu est crevé, par exemple, eh bien, sachez-le, des équipes mobiles de la SBL Cyclo peuvent venir vous dépanner. Il suffit d'appeler leur dispatching au 0800 25 260, 0800 25 260. Merci Pierre. Pierre Vandenbulk sur la petite ceinture de Bruxelles en cette journée sans voiture. Et si vous êtes à la recherche d'informations sur la semaine de la mobilité ou encore de cette journée sans voiture, un seul site, vivreici.be, un site de la RTBF. Les fêtes de Wallonie se poursuivent à Namur aujourd'hui. En ce moment démarre la cérémonie du souvenir. À ne pas rater cet après-midi à 16h30, le traditionnel combat des échasseurs place Saint-Aubin. Climat extrêmement tendu aux États-Unis. En quelques heures à peine, plusieurs engins explosifs ont été découverts. Le premier dans le New Jersey, Lionel Denebourg. Retrouvé dans une poubelle, l'engin a explosé, mais sans faire de blessés, par chance, puisque des soldats américains avaient prévu une course à pied. La course a été retardée. Deuxième explosion, quelques heures plus tard, à 20h30, heure locale, à Chelsea, un quartier très fréquenté de New York. Une explosion, semble-t-il, dans une benne à ordures. Elle a fait 29 blessés, dont un grave. Cela dit, Lionel, le maire de New York ne parle pas pour autant d'attaque terroriste. Non, pas de connexion terroriste, c'est ce qu'il dit. Par contre, il parle bien d'un acte intentionnel. Ça pose question, évidemment, d'autant qu'un autre objet suspect a été retrouvé quelques rues plus loin. Selon CNN, une cocotte minute reliée par des fils à un téléphone portable. Merci Lionel pour ces précisions. On apprend par ailleurs la mort de 20 personnes en Centrafrique. On sait juste que ces personnes sont mortes dans des violences. Aucune autre information pour l'instant. Moucron respire en bas de classement. Les Hurlus ont gagné à Westerlo 1-3. Courte défaite par contre pour Eupen à Bruges 3-2. Pour le moment, Zulte est toujours en tête après son succès contre Courtrai. Au menu aujourd'hui, le déplacement du Standard à Lokeren à 18h et puis à 20h, celui de Gand-Ostende. Mais avant tout cela, dès 14h30, le match au sommet du jour. Anderlecht se déplace à Genk. Anderlecht qui a gagné de la confiance cette semaine en Europa League. Écoutez l'attaquant Hamdi Arbaoui. Les victoires améliorent toujours l'ambiance et ça donne un bon sentiment de confiance pour la continuité. Donc l'équipe a très bien joué, on a fait un bon match pour moi et on a gagné. Donc oui, on est sur une bonne spirale et j'espère que ça continuera encore ce dimanche. Il y a une très belle entente entre nous, il y a une très belle ambiance et ça commence à se voir sur les terrains. Il y a un nouveau groupe qui est en train de se mettre en place. L'ambiance dans le vestiaire aussi nous aide un peu dans tout ça. L'attaquant d'Anderlecht, Hamdi Arbaoui, au micro de François Zaleski. En tennis, la Belgique mène 3-0 face au Brésil et a assuré sa place dans le groupe mondial dès la deuxième journée. Place dans le groupe mondial de la Coupe Davis. Aujourd'hui, on jouera les deux derniers simples pour la forme et pour l'honneur. À votre avis, c'est la nouvelle émission politique interactive qui démarre aujourd'hui sur la Une Télé. Rendez-vous à 11h30 pour un programme politique inédit. L'émission vous permet de donner votre avis en temps réel sur les sujets de débat. Comment faire ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de télécharger sur votre smartphone l'application Match Talks et de vous inscrire. Vous recevrez les questions en temps réel et vous pourrez interagir. En attendant la première antenne, le stress monte un peu pour Sacha Daout, présentateur de l'émission. Le stress monte, mais il est positif. C'est-à-dire qu'on sent vraiment un enthousiasme assez généralisé dans l'équipe pour faire de cette émission quelque chose de très très chouette, de très rythmé. Donc oui, bien sûr, et ça serait anormal de pas être stressé parce qu'on se sent quand même très motivé par le projet. Ça c'est sûr, c'est certain. Il y a encore une place pour le débat politique le dimanche midi sur la RTBF. Donc oui, plus motivé que jamais. Et stressé, oui, on le sera. On demande un petit peu d'indulgence, ça on le maintient. Il nous faut quelques semaines encore pour nous roder et pour apporter vraiment aux gens ce qu'ils demandent. Et on sera très attentif à leur retour parce que c'est aussi leur émission. À votre avis, c'est donc à 11h30 aujourd'hui sur la Une Télé. RTBF Mobile Info avec vous, Jean-Marc Strel, est toujours ce camion en ciseaux sur le 411. Oui, il pose davantage de problèmes que tout à l'heure. C'est sur le 411 Namur-Arlon, à hauteur de Loyers, au kilomètre 57.6. En direction d'Arlon, du Luxembourg, il y a la troisième et la quatrième bande fermées à la circulation. Ça ne vous empêche pas de circuler. Et dans l'autre sens aussi, deux bandes fermées, les bandes de gauche fermées en direction de Bruxelles. Donc pas d'énormes conséquences parce qu'il n'y a pas trop de monde sur les routes, mais quand même prudence si vous êtes sur le 411 ce matin. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Les enfants de cœur sur Vivacité, bien sûr, avec Jean-Jacques Brunin. Merci Julie Buron. Prochain journal tout à l'heure à 11h et sans tarder. Nous retournons à Wépion, salle du bienvenu. Sur vandenborg.be, vous verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Le Belge serait économe, ce qui lui permettrait d'avoir une pension confortable. J'ai donc décidé de faire mes calculs. Si je prends ma retraite à 62 ans, je pourrais vivre confortablement pendant 11 minutes. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. Le retour des enfants de cœur depuis le bienvenu ici à Wépion avec Bruno et Vincent Taloche. Mais aussi cette formidable équipe de chroniqueurs avec qui nous faisons la route depuis 7 ans. Christophe Bourdon. Bonjour. Dominique Watrin. Bonjour. Jem Dino. Bonjour. Et Cody. Allez. Le vous rire des frères Taloche du 20 au 23 octobre prochain dans 14 salles différentes de Liège avec des petits événements assez sympathiques et particuliers, inédits, qui n'existent que chez vous, notamment le rire à domicile, ça c'est original. Oui, c'est une nouveauté cette année, on essaie le rire chez un particulier, donc c'est une personne particulière à Liège évidemment, qui accueille chez lui un spectacle et l'humoriste qui sera cette fois-ci Félix Radou, hein, jeune humoriste qui commence à monter, fera le spectacle chez vous. Voilà. Et il pourra après discuter avec les convives du spectacle. C'est la petite originalité de cette année. Et puis il y a effectivement quelques concours dont la scène ouverte, dont l'intérêt c'est que le gagnant fréquente plein de festivals. Voilà, effectivement, la scène ouverte, c'est un concours qu'on organise chaque année, parce qu'en tant que vieil humoriste, on se rappelle de nos débuts où parfois on gagnait des prix qui restent sur une étagère, qui prennent la poussière. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était peut-être plus intelligent de créer un concours avec des synergies avec d'autres spectacles et d'autres festivals. Et c'est-à-dire que le gagnant de la scène ouverte part jouer à Marrakech, à Québec, à Morges-en-Suisse, à Cannes, et on se rend compte qu'il préfère de loin ça qu'une coupe en étain ou une assiette, pardon, une assiette en étain. Et chaque année, on se rend compte que ça permet justement de donner un petit coup de projecteur sur un jeune talent, et c'est toujours possible de s'inscrire jusqu'à fin du mois. Oui. Voilà. Et tout ça, c'est sur le site du vousrire.be. On peut retrouver toutes les détails. L'année dernière, c'était PE qui avait gagné. Voilà, l'année dernière, c'était PE. PE jeune, c'était Laura Lone. Donc c'est bien parce qu'on s'aperçoit qu'en plus Cécile Djunga. Cécile Djunga, c'est tout des gens qui ont du talent et évoluent. Ouais, donc exactement. C'est bien, ça donne un coup de poing. Et la scène ouverte, c'est le samedi après-midi et c'est gratuit, on peut y assister. C'est gratuit à 16h au théâtre de l'université. Voilà, la question mystère en compagnie de Dominique Watrin. Chaque premier samedi de septembre, dans le village suédois de Dunsberg, une partie des hommes du village sont chassés à cause d'une de leurs caractéristiques physiques. Laquelle ? Chassés par les femmes ? Chassés par tout le monde. Parce qu'ils ont une moustache. Non. Ils sont chauves. Non. C'est un problème vestimentaire. Non. Parce qu'il y a une fête ce jour-là et le fait que ce soit des hommes, ça, c'est un problème, c'est ça ? Une particularité physique ? Oui, physique. Ah oui. Ils sont chauves. Non, il a déjà dit. Je viens de le dire. Tout l'arbu, moustache. Oui. Barbu. Donc tous les non-barbus sont chassés parce que c'est la fête des barbus. Ah. Et donc les femmes restent. Mais c'est en Suède, c'est ça ? C'est en Suède. Mais ils s'emmerdent tant que ça pour trouver. Il faut quand même s'emmerder profondément pour trouver des que les femmes restent. Et ma voisine Fernande, elle resterait parce qu'elle est barbue, mais les autres pourraient être chassés comme les autres. Eh ben les Suédois. Ouais. Voilà. À part faire des meubles. Hein. Merci beaucoup, mon cher Dominique. L'oraison funèbre, très attendue. Écoutez bien, ça vous concerne, Vincent et Bruno. Elle est signée Christophe Bourdon. Enfant de cœur. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous voici réunis en ce triste dimanche en la salle Le Bienvenu de Wépion pour rendre un hommage à deux êtres chers qui nous ont quittés trop tôt. Je veux bien entendu parler des frères Taloche. Bruno et Vincent Taloche, dont le vrai nom était Vincent et Bruno Taloche. Oui, peu de gens le savent, mais à leur début, Bruno s'appelait Vincent et Vincent s'appelait Bruno. Mais comme il avait honte de son prénom, Vincent le changea en Bruno. C'est alors que Bruno décida à son tour de s'appeler Vincent pour emmerder Vincent qui s'appelait Bruno. Leur mère décida cependant de continuer d'appeler Bruno et Vincent, Bruno et Vincent, alors que leur père décida, lui, d'appeler Bruno et Vincent, Vincent et Bruno. Je vous laisse deviner le bordel pour débarrasser la table après repas. En parlant de repas, comment ne pas se rappeler, Bruno et Vincent, de votre gourmandise légendaire ? Toi, Vincent, qui me disais encore il y a quelques jours que tu rêvais de manger des ailes de poulet. Oui, je t'entends encore me dire, j'ai encore rêvé d'ailes. Tout ça pour ça. Dis, tu vas rejoindre David, toi. J'ai encore rêvé d'ailes, ce sketch qui a fait votre succès et que l'RTBF repasse en boucle depuis votre disparition. Ce qui a causé une vague de suicides collectifs à travers le pays, ainsi qu'un jet massif d'écran plat par les fenêtres. Et dire que c'est ce sketch qui nous réunit aujourd'hui dans la peine et la douleur. Oui, c'est lors d'une répétition de Jean Corévedel que vous nous avez tragiquement quittés. Bruno, pour mimer la phrase « Elle est faite pour moi », tu as voulu, comme à ton habitude, pointer ta poitrine avec tes doigts. Sauf que ce jour-là, tu avais oublié de te couper les ongles. Comme l'a dit le médecin légiste en arrivant sur les lieux, eh ben, je pensais pas qu'on pouvait se perforer les poumons avec des ongles pointus. Et que dire de toi, Vincent ? Quand tu as vu ton frère allongé par terre avec le sang qui giclait de sa poitrine, tu as ri tellement fort que tu t'es décroché la mâchoire et tu es mort dans d'atroces souffrances. Oui, Vincent, ta cruauté légendaire te fut fatale. Mes chers amis, je vois en ce jour sombre la peine se lire sur vos visages. Et je salue ici les nombreuses vedettes et néanmoins amis qui ont tenu à vous rendre un dernier hommage. Je vois ainsi les frères Dardenne, Luc et Jean-Pierre. Maintenant que Bruno et Vincent ne sont plus des nôtres, c'est vous qui devenez les frères les plus drôles de Belgique. Je sais que vous en serez dignes grâce à vos nombreux sketchs. La caravane, la vendeuse de gaufres, la vendeuse de gaufres à la caravane, ou le plus drôle de tous, le gamin de la vendeuse de gaufres dans la caravane du fils du vélo. J'aperçois aussi les frères Bogdanov qui essuient leurs larmes dans leurs grands mouchoirs. Ah non, c'est leur menton. Je vois également les frères Sève, Jean-Michel et celui dont on ne retient jamais le prénom. Je la sentais bien, celle-là. Qui travaille au Vourire, d'ailleurs. Saligo. Les frères... Non, on ne retient pas son prénom. Les frères Sève avec qui vous aviez tant joué au ping-pong avant de connaître ce tragique revers. Ouais. Sans oublier les frères Borlé qui sont en train de passer dans les rangées avec le petit panier de la collecte. Jonathan qui passe le panier à Kevin. Kevin qui passe le panier à Brian. Brian qui passe le panier à Clitis. Clitis qui passe le panier à Jonathan. Et Jonathan qui sort de l'église à toute vitesse en se barrant avec la collecte. Bruno et Vincent, il est temps à présent de prendre congé de vous. Et je vous propose d'écouter en cadeau d'adieu ce sketch trop peu connu, le mime sourd et muet qui a mal à la gorge. On l'écoute. Merci Bruno et Vincent. Même disparus, vous continuez de nous apporter de la joie et de la bonne humeur. C'est pour cela qu'en vérité, je vous l'ai dit, nous vous aimons. Merci. Christophe Bourdon, en image sur la plateforme Ovio. On retrouvera Jean-Michel dans quelques instants après la petite pause. Depuis le bienvenue ici à Wépion. Les enfants de cœur sur Vivacité, du pain béni pour les décoincés du culte. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaires exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4000 euros d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Il est temps de se faire plaisir avec des collections à tout petit budget au carrelage Salvatore Vilvoorde et Rossin-Genèse.be. Les souvenirs de vos vacances s'effacent, la pression vous gagne peu à peu. Lâchez tout et venez vous évader à l'hippodrome de Wallonie. Originalité, spectacle et émotion seront au rendez-vous ce dimanche 18 septembre dès 14h à l'occasion des finales du derby. Au programme, courses de qualité, bar à cocktails, show équestre et animation gratuite pour les enfants. N'hésitez plus et rendez-nous visite ce dimanche 18 septembre dès 14h à l'hippodrome de Wallonie. 4 euros l'entrée, gratuite pour les moins de 16 ans. Hippodrome de Wallonie. 31 route de Wallonie, Aglin ou sur hippodromedewallonie.be. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil ? Le petit orteil ? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions, alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. La solidarité nous fait tous avancer. CBC, décidez d'avancer. Vivacité et la 3 présente... Un dîner d'adieu, une satire drôle et décapante de nos hypocrisies sociales, amicales et conjugales. Un dîner d'adieu, un engrenage infernal et hilarant. Au Théâtre des Galeries, du 14 septembre au 9 octobre. 02 512 0407 ou trg.be. Avec le Vif l'Express et le soir. En télé, sur la une, dépassement de soi, émotion, performance, Viva Rio les Paralympiques, votre émission quotidienne présentée par Christophe Delstange, tous les jours après le JT, sur la une. Voir et revoir, rtbf.be/ovio. Ce week-end, la Jupiler Pro League est de retour, en direct sur Vivacité. Ce dimanche, dès 14h, Genk, Anderlecht et Lokeren Standard. Viva Sport, le sport en direct sur Vivacité. Oui, je sais, je vous l'avoue enfin ce matin, si je suis dans cette émission le dimanche, c'est parce que je suis le fils caché de Monseigneur Léonard. Mon père a rencontré ma mère en faisant ses courses au supermarché. Oui, peu de gens le savent, Jean-Jacques, mais il va souvent au Carrefour, Léonard. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. Ah, c'est la suite des enfants de cœur avec Bruno et Vincent Taloche pour le Vourire du 20 au 23 octobre prochain. Toutes les informations sur le www.vourire.be. BE. Est-ce que je peux faire un petit peu de promo pour un spectacle? Oui, allez-y, mon cher Cody. Un spectacle qui s'appelle La chaîne de l'humour au profit de la chaîne de l'espoir. Voilà, donc c'est un spectacle avec Bruno Coppens, James Dino, Guillermo Guise et Pablo Andrés. Information sur chaîne-espoir.be. C'est au profit de l'association La chaîne de l'espoir. Et c'est quand? Le 6 octobre, évidemment. Ah. Le 6 octobre au Théâtre Molière à Ixelles. C'est quoi la chaîne de l'espoir? C'est une asos qui envoie des médecins pratiquer des opérations chirurgicales à des enfants en Afrique, entre autres. Voilà. Très bien, belle affiche et belle cause en tous les cas. Et puis, tant qu'on est à parler des dates, les frères Taloche avec la pièce Les Caves, à partir du 2 octobre jusqu'au 19 décembre à Braine-le-Comte, Liège, Andenne, Differdange, Moucron, Arlon et Namur, le Vaut Rire du 20 au 23 octobre. Jean-Michel de Bénezet. Je m'appelle Jean-Michel. Je suis comme la nature m'a fait. Elle a dû te faire enfin moi qui... Calmez-vous. Non, juste un truc, hein, parce qu'on dit toujours que je moque du tech de Liège. Je vais me payer Namur une fois. Hein. Parce que c'était en face de la gare de Namur, c'est pas une blague. Il y a un bus, c'est le 30. Il va à Boisdevillers, c'est pas loin d'ici. Hein. Le premier bus est à 6h18, le deuxième à 12h30. Ils sont pas débordés, hein? Et en plus, le dimanche, il n'y en a pas. Il doit faire paisible le dimanche à Boisdevillers. Hein? Le mec qui ouvre un commerce le dimanche, il est optimiste, hein? Oh, moi, je suis content qu'il est à l'oche, hein? Je les aime bien, ces deux jeunes gens-là. Enfin, jeunes. Faut le dire vite, ils sont quand même plus très frais, hein? Surtout aujourd'hui. Non, c'est parce que je les aime bien, parce que moi je suis de Bénezet, mais je suis originaire comme eux, de la région Verviers-Étoile. Il y avait plein de comiques à Verviers. Maintenant, il y en a un peu moins. On est plus près du feu d'artifice. Hein. Mais sinon, moi ce que j'aime bien, c'est quand ils chantent tous les deux en duo, là. Ça, j'aime bien, j'ai encore rêvé d'elle. J'aime bien. Surtout celui qui fait la femme. Ah, oh, j'aime bien. Moi, je dis, elle s'en moquait, hein. Pour aller à The Voice, hein. Bon, il ferait remonter un peu la moyenne d'âge. Mais il aurait une chance à The Voice, hein. Je suis sûr que Lio voterait pour lui, hein. Pas de problème. Moi, le problème dans cette chanson-là, c'est que j'ai jamais tout compris. Par exemple, il y a une phrase, il dit à un moment « Je l'ai rêvé si fort que mes draps s'en souviennent ». Ça, j'ai jamais compris parce que... En plus, moi, j'ai une couette. Donc, les draps de lit, je m'en fous, hein, moi. Mais à pire, hein. Une fois j'écoutais la chanson, il y a mon ami qui était chez moi, c'était un mardi, hein, puisque c'est mon ami du mardi. Et à un moment dans la chanson, ils disent « Je dormais dans son corps et je regarde mon ami. » Et je me dis, à mon avis, les taloches, ils n'ont pas le même modèle que moi. Parce que quand j'y ai pensé, à je dormais dans son corps, 8 jours que j'ai fait des cauchemars et que j'ai dû changer de tisane. Mais ils sont mamés quand même, hein, parce qu'à oui, puis on voit Bénezet, là. Il a quand même tout dit que ça quoi qu'il va naître. L'ami Jean-Michel de Bénezet, en image sur la plateforme Obio. C'était pas mieux avant. Et le feuilleton, les baraquis pour déjà conclure cette émission du 18 septembre avec les frères Taloche. On se retrouve immédiatement. Le dimanche matin sur Vivacité, les enfants de cœur sont sacrément drôles. Psst, venez, mais discrètement, je peux pas vous parler d'une autre chaîne. Mais ce samedi sur TF1... The Voice Kids est l'entrée en compétition d'un certain Amani Pichi. Ce jeune talent de Jerpin à 14 ans y a déjà tout fait. Ouf TV, la France a un incroyable talent et The Voice. Ce lundi dans le 8-9, faut absolument qu'on lui parle. Psst, C'est sûr que je lui parlerai de Matt Pokora et de Patrick Fiori qui sont dans le jury. Hein. Le 8-9 avec Benjamin Maréchal. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. Ma femme a disparu de notre domicile tôt dans la matinée le 5 juillet. Pas de cadavre, pas d'armes du crime. Leur seul espoir, ce sont des aveux. Tu me demandes si j'ai tué ma femme ? Gone Girl, un thriller psychologique de David Fincher avec Ben Affleck, suivi de Company Men, ce lundi sur la Une. Michel emmène François faire un tour à bord de sa toute nouvelle Seat Ateca. François n'en croit pas ses yeux. Et ça, c'est quoi, ça? C'est le chargeur mobile sans fil. Ah, et ce truc-là, là, ça, c'est... L'écran de la caméra TopView. Ah bah oui, oui. Bah oui. Excité par la richesse de l'équipement du Seat Ateca, François n'arrête plus. Et ce bouton, il sert à quoi? Bah, activer le frein à main électrique. Et celui-là, là, c'est... Bah, ça, c'est mon bouton de manchette. Sans ce bouton de manchette, ah bah bien sûr, oui. Évidemment. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Ce message s'adresse à vous, qui venez de percevoir votre assurance groupe ou de remettre votre entreprise. Pour vous, les conseillers CBC proposent des solutions d'investissement pour faire fructifier cet argent. Ils se montrent proactifs et ils sont à votre écoute à tout moment, plus que jamais dans ce contexte aussi changeant. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir ou passez nous voir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Le mot baraki n'a pas d'équivalent en France. Chez nous, un baraki, moi je suis un baraki. Un baraki, c'est une manière d'être, c'est un, tu dis, c'est celui qui garde sa mobilette dans le salon, mais en même temps, c'est celui. C'est celui qui va mettre la statue de David dans son jardin, tu vois. Et en même temps, c'est celui qui dit. Tu remarqueras quand même que les serviettes sont en coton. Jusqu'à 10h30, les enfants de cœur sont sur Vivacité. C'était il y a 2 ans, hein, l'extraordinaire Benoît Poulevard dans ces mêmes murs. Magnifique sa définition du baraki, celui qui garde sa mobilette dans le salon. C'est tout à fait ça, quoi. Ça va les frères Taloche? Très bien, bien. Toujours en forme, heureux d'être là. Ouais. Bon, toujours, on revient chaque année vous voir. Absolument, un vrai plaisir. On disait là, belle affiche, hein, Valérie Lemercier, Pascal Légitimus, Benabar, Baptiste Le Caplain, tous les Belges sont là. Vous avez eu Gad Elmaleh, vous avez eu Franck Dubosc. Est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez avoir et qu'il est encore jamais. Oui, on demande chaque année Florence Foresti, mais on ne désespère pas. On pense que Jamel ne devrait pas tarder. Voilà, Jamel, il y a longtemps, en plus on est partenaire avec le Marrakech du Rire, mais il n'a pas encore dans son agenda. Ça et par contre, malheureusement, il ne répond jamais. Chaque fois, on écrit à Coluche, à Le Luron, et rien, on n'a pas de réponse. On envoie des fax. Et proches non plus. Il y a un côté très prétentieux de ne pas nous répondre. Méprisant, je dirais. Méprisant. Oui, c'est le mot, exactement. Voilà, donc le Vous Rire, toutes les informations sur le vousrire.be. Ça se passe du 20 au 23 octobre. Ne le manquez pas. 14 salles en parallèle avec des artistes de tous les horizons et de tous les univers. Autre question mystère sonore. C'était pas mieux avant, tiré de l'émission télé que vous avez peut-être vue. Qui veut épouser mon fils? Écoutez ceci. De toute manière, on va en discuter. Non, on va quand même manger ces trucs. On va quand même en discuter. Au niveau du physique, non, moi, c'est pas le physique, en fait. Je pense que c'est une fille qui saura s'occuper de Michael, qui est pas superficielle, qui est... Et là, le fils s'enfuit. Je vous décris la situation. Il y a un divan, la maman, le fils à marier et celle qui pourrait être la future belle-mère. Et pendant que les deux femmes parlent du garçon entre elles deux, le fils prend un ballotin sur la table et avale quelque chose. Des fraises? Ce ne sont pas des fraises. Des framboises? Non. Quelque chose que normalement il n'est pas censé manger. Voilà enfin une bonne question. Merci Vincent. Demandez-moi, téléphonez-moi quand je peux aider. Des agrafes? Non. Le sac à main de la fille. Le quoi? Le sac à main de la fille. Bon, vous avez vu le niveau intellectuel de ces jeux-là, excusez-moi. Un bijou. Une bague. La bague de fiançailles. Non. Il avale en croyant être en connaissance. Un faux fruit, alors un truc en plastique. Un faux quelque chose, exactement. Un pneu de voiture. Non, un faux à table de vie. C'est très faux chocolat. Un faux fruit en bois. Un faux chocolat. Cigarette. Non. Une bougie. Une bougie, exactement. En fait, il voit un petit ballotin, il croit que ce sont des macarons et il met la bougie en bouche. Écoutez la suite. C'est des bougies. Des bougies. C'est pour aller aux toilettes. Il a mangé des bougies. Je crois que c'est des macarons. Vérifiez quand même ceux de chez Darcy. Oui, c'est ça. On ne sait jamais. Bon, les amis, votre talent d'acteur. Parce que c'est vrai que, d'abord, vous avez fait du cinéma, vous avez joué dans Astérix, vous étiez au service de Catherine. Ah oui, oui, enfin, tout petit peu. Oui, mais oui, Vincent, mais je sais que vous êtes dans le prochain film de Michel Bougenin. Ça va sortir le 28 décembre. Mm-hmm. Ça s'appelle Le cœur en braille. Et je joue autour de Charles Berling, de Pascal Elbé et des enfants qui ont les rôles principaux. C'est un très beau film, très touchant. C'est pas une grosse comédie, c'est à la Michel Bouchenin, quoi. C'est drôle et émouvant à la fois. Voilà. Vous jouez quel rôle ? Je joue le rôle d'un pion de l'école. Et au début, je pensais qu'il avait besoin de moi pour une tête rigolote qui passe. Et puis en fait, il m'a donné quand même 13 jours de tournage, donc c'était bien. Et j'ai surtout appris, parce que je tourne jamais au cinéma, moi. Donc c'était une belle leçon. Et en plus de tourner avec Michel Bouchenin, qui est quelqu'un qu'on connaît bien, c'était rassurant pour moi. Ouais. Il faudrait qu'il revienne, hein. Il était venu l'an dernier dans l'émission. Il était venu l'an dernier ? Oui, oui. Oui, on était à la Comédie Centrale. Et bien, à mon avis, c'était un monument incroyable et il a promis de revenir. Oui, mais il tient ses promesses, la preuve. Oui. Mais comme il va revenir, pour mon avis, pour la sortie de son film en décembre, c'est le moment de le choper. J'ai joué avec les frères Taloche. Moi, j'ai tourné, signé Taloche. Alors, qui passe le 30 septembre sur la Une. En fait, on est parti sur le succès incroyable des séries belges. Mm-hmm. La Trêve et Demi Public qui remporte un succès colossal. Et nous, on s'est dit avec mon frère qu'on allait nous aussi écrire une série belge, ça s'appelle La Trêve de l'ennemi public. On a été aidé d'une façon magistrale par Christophe Bourdon pour l'écriture de tout ça et Cody nous a fait un joli cadeau, c'est qu'il participe à toutes les présentations avec nous, mais on ne vous en dit pas plus. Avec Bénédicte Philippon et Jean-Loup Tapia. Ok, voilà. C'est bien. Et alors voilà, comme on peut rebondir sur tout, on parlait de La Trêve, et bien le comédien Johan Blanc, vedette de La Trêve, sera l'invité des Enfants de cœur. Début 2017, nous serons ce jour-là au Centre culturel de Remicourt. Allez, trêve de plaisanterie, voici les baraquis. Oh, trêve de plaisanterie. Et Kevin Josial Salaud, la maman baraqui, Dominique Matras et Kevin Oufti, l'amant de Kevin Josial et Cody, c'est Kevin Bryan, le fils baraqui. Aujourd'hui, en compagnie des frères Taloche, les baraquis sont chez Caterpillar. On n'est pas content. On n'est pas content. Oh, oh, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Yeah, yeah, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Non, de Dieu, il parle comme Jean-Michel de Bénezet, mais avec l'accent à Donald Trump et la tronche au frère Taloche. Vous êtes qui, vous, d'abord ? Nous sommes les patrons de Caterpillar. Moi, c'est John, et lui, c'est Douglas. Oui, ben moi, ça me laisse Douglas. Qu'est-ce que vous foutez là ? Ça vous a pas suffi de fermer l'usine à Gosselies, bande de billes ? Nous sommes venus récupérer notre matériel. Veuillez nous rendre nos outils, nos engins, s'il vous plaît. Ah ouais ? Tiens. Aïe, mais ça ne va pas, non ? Vous avez mis votre pied dans mon popotine. Ben quoi, il te rend ton matériel, hein, gros ? Sa chaussure, c'est une Caterpillar. Oh, et d'abord, qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'êtes même pas employé ici. On sait, on est venu manifester par solidarité. Et parce qu'après, on rajoute ça à l'ONEM dans nos recherches d'emploi. Ouais. On avait aussi manifesté contre la fermeture d'ArcelorMittal, même qu'on avait trouvé un super slogan. On vous le fait ? 3, 4... On en a acier. On en a acier. Eh, faut le faire, hein. C'est affligeant. En tout cas, on va pas se laisser faire comme ça. Magnette, il va nous aider. Magnette ? C'est quoi ça, Magnette ? C'est ce que tu colles sous ton frigo géant. Ouais, et on va vous envoyer gobelet. Gobelet ? C'est quoi ça, gobelet ? C'est ce que tu prends pour te servir à boire dans ton frigo géant. Bon, maintenant, finis de rigoler. Rendez-nous notre matériel. Ok, pas de problème. Mais non, attention, ma BMW, ah, ils ont écrasé ma voiture. Vous êtes vraiment pas très gentil. Nous, on vous demandait simplement un coup de main. Ok, pas de problème. Mais, au, mais ça fait très très mal. Ah ben ouais, mais comme ça tu sais ce que ressent chaque travailleur quand tu fermes une usine. Bon, il faut nous comprendre, nous on doit fabriquer de moins en moins cher pour que les consommateurs puissent consommer de plus en plus. Vous pouvez comprendre ça quand même. Ah ouais ? Dégrand, je peux te poser une question. Si on licencie tout le monde pour aller fabriquer moins cher ailleurs, comment tu veux que les gens achètent tes produits s'ils ont plus le pognon pour ça ? Hein ? Ah ouais, merde. J'avais pas pensé à ça. Ah ben voilà, tu sais quoi ? On va t'aider à te le rentrer dans le cerveau. Je peux savoir ce que vous faites avec cette perceuse? Non, ne vous approchez pas. Non, laisse tomber, moi. Tu sais bien que des gens comme ça, ils ont rien dans le crâne, hein. Ouais, t'as raison. Nous, au moins, on a un truc qu'ils auront jamais. On s'aime. C'est ça, ferme-la un peu, grosse biesse. Bon, allez, on rentre, Kevin Bryan. Tu vas nous lire le dépliant de l'Aldi pour qu'on passe à...